Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107 pour cette chronique du jeudi matin, donc sur RGM. Voilà, j'ai intitulé ADMAT H. Ça sera beaucoup plus court. De quoi s'agit-il? D'un ADMAT qui réclame un front commun pour une alternative au contrat de performance qui balbutie. Enfin, ce n'est pas le contrat de performance qui balbutie, encore que c'est surtout le front commun aujourd'hui. Alors, que dit ADEMAT dans sa lettre du 7 avril 2019 ? On est dans l'actualité. Alors, sous la plume de Jean Pierrel, qui dit « On ne boudera pas notre satisfaction de voir le long des routes de nos villes et villages la banderole appelant au sursaut unitaire pour la survie de nos vallées, car c'est bien de cela qu'il s'agit. » Entre parenthèses, j'ai eu le plaisir de voir cette banderole à l'entrée de Saint-Étienne en arrivant. Cet affichage clôture une période d'intense activité d'information et de réflexion menée ensemble. Elle a failli déboucher sur un important séminaire de travail, échelonné sur plusieurs séquences, mené conjointement par le PETR, Pays de Remiremont, et ADEMAT H avec toutes les parties concernées. ARS, conseil départemental, CPAM, maires et élus municipaux, associations et syndicats. Il aurait dû démarrer le 29 mars. Malheureusement, certains veulent jouer leur propre partie et refusent que tous les acteurs concernés s'assoient à la même table. Certes, notre objectif est ambitieux, mais si nous voulons conserver un espoir de vivre correctement dans nos vallées, il va bien falloir mesurer l'impact de l'approche uniquement comptable de l'ARS en termes de coûts transférés, de pertes de chance pour les patients et de risques accrus pour les populations et l'environnement, de pertes indéniables d'attractivité du territoire, ne serait-ce que du point de vue désertification médicale. Alors, pour nos auditeurs qui n'ont pas trop l'habitude des sigles, ARS, Agence Régionale de Santé, que certains ont appelé Agence Régionale, Agence de Régression Sanitaire. Voilà, en tout cas, c'est bien un problème de désertification médicale et de désertification hospitalière qui motive cette lettre donc d'ADEMAT. Et Jean Pierrel de poursuivre, il va bien falloir partir de l'analyse des besoins de la population et de l'existant, de ses mauvais indicateurs de santé, et ensuite définir les moyens à exiger ou à mettre en œuvre pour mettre fin au déclin qui menace. C'est cela que nous préconisons à travers la démarche de co-construction d'un contrat local de santé dans lequel le besoin de santé hospitalière doit occuper toute sa place. C'est pourquoi, poursuit Jean Pierrel, nous relançons le président du PETR afin d'obtenir un rendez-vous rapide et la négociation d'un calendrier à effet immédiat. C'est pourquoi nous relançons également le président du conseil départemental, M. François Vanson, pour un rendez-vous très rapide afin de lever les incompréhensions, prendre connaissance des conclusions de sa mission de médiation, examiner la complémentarité possible et souhaitable avec le plan santé du département, y compris pour que le conseil départemental rejoigne en tant que personne morale notre association et le front uni pour un gel du contrat de performance et que la vie en Vosges ne se décline pas à la forme négative, car nous ne voyons pas d'autre stratégie. S'unir tous si nous voulons maintenir des hôpitaux labellisés hôpitaux de territoire de plein exercice avec médecine, chirurgie, maternité et urgence, comme le réclame notre coordination nationale. Oui, pour explication, bien sûr, ADEMAT fait partie d'une coordination nationale qui est particulièrement active pour la défense des hôpitaux et des maternités, avec en particulier avec l'épisode tragique de la maternité de Dilly. L'ARS veut toutefois imposer son contrat de performance, elle veut scinder l'activité chirurgie sur deux sites. Voilà sa réponse au grand débat, aux multiples contributions et interpellations venues de toutes parts, demandant un moratoire sur la fermeture des services publics. La version 4 du contrat de performance est soumise à avis des 5 instances hospitalières de Remiremont, réunies tout ensemble mercredi 10 avril à l'IFSI. Le jeudi 11, ce sera au tour d'Épinal. La date de signature après Copil, de Copil est la coordination entre les deux établissements, donc la date de signature n'est pas divulguée, ça sera mi-avril, fin avril, avec un point d'interrogation, bien entendu. Alors, à des maths de poursuivre, sous la plume de Jean-Pierrette, nous en appelons au rejet de ce contrat. Rien n'a changé sur le fond depuis la version 1, sinon les modalités et quelques formules. Il s'agit toujours d'un contrat qui vise à économiser 25 millions d'euros sur les sites d'Épinal et Remiremont d'ici 2022. Le tome 1, première tranche, effective de suite, 22 mesures pour 6 millions d'euros. Outre la privatisation du bio-nettoyage, les parkings payants, la délocalisation de la cuisine, l'augmentation des tarifs en chambre particulière, pour ne citer que les mesures les plus concrètes pour chacun d'entre nous, les services de pédiatrie et néonatologie de Remiremont sont réduits de moitié en effectif. Un sixième de la facture est fusionné, ce qui est grave sur le plan infectieux. La direction fragilise les services pour mieux déclasser la maternité, pour finalement fermer à terme dans le cadre de l'application de l'ordonnance sur les hôpitaux dits de proximité. Appellation trompeuse du ministère, puisqu'il n'y aura plus d'accouchement ni de chirurgie dans ces structures. Le tome 2, le montant d'économie à faire est de 19 millions d'euros. Mais injonction est faite par l'administration aux médecins et soignants de trouver ces économies d'ici l'été, en faisant un projet médical commun. Autant dire qu'on exige des professionnels de santé de saborder l'hospitalisation publique dans les Vosges au profit du privé. En fait, on ne paye pas les parkings chez eux, par exemple. Mais ça ne suffit pas. Il faut préparer le terrain pour l'ordonnance hôpitaux de proximité de Mme Buzyn. Le directeur Eric Sansalone vient d'envoyer aux médecins des deux hôpitaux le dictat de M. Lannelong, directeur de l'Agence régionale de santé. M. Lannelong a opté pour une spécialisation des sites pour l'hospitalisation complète et la permanence des soins. Chirurgie viscérale et digestive sur le site du CH d'Épinal et orthopédie traumatologie au CH de Remiremont. Cette organisation permettra de développer un site d'excellence dans chacun des deux établissements. Cette décision sera exploitée dans le cadre de la mission confiée au président du conseil départemental pour la réalisation d'un projet médical commun et pour la rédaction du tome 2 du contrat de performance. Pour une appendicite, il faudra aller à Épinal. Comment seront traités les polytraumatisés quand il faudra à la fois extraire une rate éclatée et réparer une jambe cassée ? Quid de la chirurgie gynécologique et du cancer du sein où Remiremont excelle. Une interrogation que Adémat pose au public, bien sûr, aux citoyens. Là encore, poursuit Jean Pierrel, aucune étude d'impact d'une telle décision, juste la soumission au dictat de la finance contre l'intérêt général. D'après nos informations, les praticiens hospitaliers de Remiremont sont vent debout contre cette organisation. Et puis, Adémat âge de conclure, soutenons ces résistants de première ligne. Ils en ont bien besoin. Restons très mobilisés et prêts à de nouvelles actions. Exigeons le respect de la loi Montagne et du principe d'exception territoriale. Voilà, je tenais quand même à vous faire... À vous faire part et vous commenter donc cette lettre de Jean Pierrel, le président d'Adémat, et je crois que l'actualité l'obligeait. Voilà, je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible, et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.